Sur le diagnostic, je crois que nous sommes tous d'accord. L'université est en crise, les universités vont mal. Et plus profondément, vous l'avez très bien dit, c'est l'idée même d'université qui est en crise. Ce n'est pas seulement qu'il y a des crises financières, administratives des universités, c'est que l'idée même d'université s'étiole, perd de sa signification. Pourquoi ? Alors, il y a une première série de raisons évidentes que vous avez rappelées. C'est bien sûr le triomphe d'un marché spéculatif, financier, et appuyé par une idéologie néolibérale qui bien sûr entre en contradiction frontale avec l'idée de savoir qui pourrait valoir pour eux-mêmes, puisqu'au contraire, tout savoir doit être immédiatement rentable, le plus rapidement rentable possible. Mais il me semble qu'il faut chercher encore un petit peu plus loin. C'est l'hypothèse que je voudrais présenter, qui est une hypothèse un petit peu aventureuse. Il me semble qu'il faut se demander pourquoi ce néolibéralisme triomphe, pourquoi est-ce qu'on assiste à ce triomphe mondial du capitalisme rentier spéculatif. Et je proposerai une hypothèse politique, pour parler comme Arène justement, pour essayer de répondre à cette question. Première série de considérations. Par ailleurs, il me semble, et j'en parlerai rapidement, mais il me semble que l'université en France est beaucoup plus en crise que toutes les universités partout ailleurs dans le monde. Et ça mérite un petit diagnostic, il faut essayer de comprendre pourquoi. Sur fond de crise générale de l'université à l'échelle mondiale, il y a une crise particulière de l'université en France qui est beaucoup plus aiguë que partout ailleurs, et que personne ne réussit à affronter véritablement pour différentes raisons. Et tout ceci pose la question de savoir, est-ce qu'on peut se tirer d'affaire, dans quelle direction aller, c'est ce que vous aviez annoncé. Est-ce que nous avons des perspectives un petit peu crédibles, d'alternatives à cette crise de l'université, puis à la crise générale des sociétés face au néolibéralisme et au capitalisme, je dis bien le capitalisme rentier et spéculatif qui domine à l'échelle mondiale. J'essaierai d'indiquer 2-3 pistes de réflexion pour répondre à ce défi. Ça fait beaucoup de sujets à aborder à la fois. Je procéderai en 3 temps. Dans un premier temps, j'essaierai de revenir, que j'intitulerai probablement utilitarisme, néolibéralisme et parcellitarisme, pour introduire cette notion bizarre que vous avez annoncée. Donc, utilitarisme, néolibéralisme et parcellitarisme. Dans un deuxième temps, ce sera des considérations intermédiaires, je livrerai quelques constats sur l'état de l'université en France pour expliquer pourquoi elle est plus en crise qu'ailleurs. Et si on a encore un petit peu de temps, après un constat désespéré, je montrerai les lumières de l'avenir radieux qui nous attend si nous avons opéré une bonne conversion. Donc, premier volet de mon exposé, utilitarisme, néolibéralisme et parcellitarisme, je vais faire un petit peu d'histoire personnelle, ça sera une manière de me présenter, parce que je ne pense pas être aussi connu que vous laissiez entendre. Et donc, je suis bien sûr sociologue émérite à l'université de Paris 10 Nanterre, mais plus précisément, j'ai créé avec des amis il y a plus de 30 ans une revue interdisciplinaire en sciences sociales qui s'appelle la revue du MOS, mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Et je vais en dire quelques mots parce que ça permet de situer cette question de l'utilitarisme et du néolibéralisme très, très rapidement. Pourquoi cette revue ? Qu'est-ce qui nous a animés dans cette revue créée en 1981 ? Ce qui nous anime, c'est dans ces années-là le constat qu'il s'est produit dans le champ des sciences sociales et de la philosophie politique une mutation, une sorte de révolution intellectuelle ou idéologique, comme on voudra, très particulière. En quelques années, on a basculé de discours qui étaient principalement holistes, qui mettaient en scène le primat de la société, de la culture, des valeurs, sur l'existence sociale, à des discours radicalement individualistes méthodologiques, comme on dit à l'époque. Mais plus précisément encore, ce qui change, c'est la division du travail entre la science économique d'une part et les autres disciplines de l'autre. Alors, citons très, très brièvement le paysage. Pendant 2 siècles, les économistes, puis la fin du XVIIIe siècle, on pourrait même prendre 1776, La richesse des nations, d'Adam Smith, pendant 2 siècles, les économistes se sont dit que leur hypothèse centrale l'hypothèse de l'homo economicus, l'hypothèse que les êtres humains sont, seraient, pourraient être considérés comme des individus séparés, mutuellement indifférents, égoïste si vous voulez, même si le mot n'est pas très, très bon, calculateur, rationnel. Cette hypothèse-là, disent les économistes, nous savons bien qu'elle est fausse de manière générale, elle est même fausse au sein de l'économie, mais grosso modo, ça marche, ça nous suffit pour expliquer ce qui se passe sur le marché des biens et services, pour expliquer la formation des prix, la détermination de la valeur, etc. Et puis, les économistes disent, le reste, ce qui se passe en dehors de l'économie, on en abandonne l'étude à d'autres, aux poètes, aux littérateurs, aux curés, aux sociologues, aux philosophes, aux historiens, etc. Qu'est-ce qui change à partir des années 60-70? Ce qui change, c'est qu'un certain nombre d'économistes, pour commencer, puis quasiment tous petit à petit, commencent à se dire, mais finalement, notre hypothèse, qui nous paraissait si limitée, la figure de l'homo economicus, cette hypothèse, elle peut nous servir à étudier non seulement ce qui se passe dans le champ de l'économie, mais ce qui se passe dans toutes les sphères de l'action sociale. Et ça commence d'ailleurs très précisément par la théorie de ce qu'on appelle à l'époque le capital humain, une théorie de l'éducation, de l'enseignement. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine de faire des études? C'est la grande question de Gary Becker, prix Nobel d'économie, qui est le premier à aller dans cette direction avec, dans un autre registre, Frédéric von Hayek. Pourquoi faire des études? Uniquement si ça rapporte, théorie du capital humain. On fait des études parce que ça permet de valoriser son capital humain, ce qu'on est nous-mêmes considéré comme capital. Combien ça rapporte? Voilà la question. Combien est-ce que chaque diplôme rapporte par rapport au type d'investissement qu'on fait dedans? Et puis après, on peut généraliser. Théorie économique du mariage. Combien ça rapporte de se marier? À certains égards, c'est une vraie question. Ça permet de faire des économies. L'INSEE le sait bien. Quand on vit en couple, on fait des économies. Ça rapporte combien? Du 3%, du 4%, du 10%? Est-ce que c'est un bon placement de se marier? Et puis, plus généralement, est-ce que, et l'amour, c'est un bon placement ou pas? Et le crime? Est-ce que ça peut payer? Est-ce que le crime paye? Combien? Théorie, bien sûr, de la justice, du droit, théorie économique du droit. Et puis même, on peut faire une théorie économique de la religion. Est-ce que c'est rentable de croire en Dieu? Comme vous rappelez la question de Pascal. Oui, ça peut rapporter très gros. Ça coûte pas cher, et c'est un rapport infini. Voilà, donc calcul économique généralisé. Ça, c'est le fait des économistes, qui, on pourrait dire en quelque sorte, la science économique, à partir des années 70, sort de son lit, comme une rivière qui est en crue. Mais ce qui nous intrigue le plus à l'époque, avec quelques amis, c'est que cette crue de l'économie est le fait non seulement des économistes, mais finalement de presque tout le monde dans le champ des sciences sociales. Les sociologues de l'époque, restons en France, suivent très largement le mouvement. Si on prend les quatre grands sociologues français des années 70-80, Raymond Boudon, du côté libéral, Michel Crozier, d'un côté libéral plus restreint, appliqué à l'entreprise, à l'organisation, Pierre Bourdieu, Alain Touraine, les quatre grands noms de l'époque. Bien, Alain Touraine ne participe pas à l'époque à ce mouvement-là. On pourrait dire des choses sur son évolution ultérieure, mais bon. Mais par contre, les trois autres, finalement, donnent raison aux économistes, très curieusement. Bon, Raymond Boudon, bien sûr, en défendant ce qu'il appelle un individualisme méthodologique, autrement dit, l'application de la théorie des choix rationnels des économistes à l'ensemble de la pratique sociale. Michel Crozier, Erhard Friedberg généralisent ce qu'ils appellent une analyse stratégique, qui est très proche du modèle économique. Et puis, plus intéressant, Pierre Bourdieu, dans le sillage post-marxiste. Pierre Bourdieu, qui appelle lui-même sa sociologie une économie générale de la pratique. L'économie générale de la pratique. Et que reproche à l'époque Bourdieu aux économistes? Ce n'est pas de faire les économistes, c'est de ne pas le faire assez. C'est de ne pas généraliser suffisamment leur modèle à l'ensemble de la pratique sociale, ce que Bourdieu commence à faire à leur place dans une veine post-marxiste. Ce n'est pas le modèle économique libéral qui généralise, bien d'accord, mais c'est quand même un modèle d'analyse économique généralisée. Et puis, même chose du côté de la philosophie politique. Le grand texte des années 70, très précisément de 1971, c'est la théorie de la justice de John Rawls, qui pose la question très exactement dans le langage, dans la lingua franca des économistes, en se demandant comment définir les institutions d'une société juste, les bonnes institutions, en faisant l'hypothèse, je cite, que les êtres humains, les sujets sociaux, sont des hommes économiques ordinaires. C'est la même anthropologie, la même vision de l'homme que celle des économistes. Et c'est à partir de là, sur les mêmes bases, qu'on va essayer de bâtir ce qui sera la philosophie politique de très très loin la plus influente de toute la fin du XXe siècle. Des milliers de livres, des dizaines de milliers d'articles, de commentaires, etc. Bien. Donc c'est à ça qu'on essaie de... C'est à cette évolution très étonnante qu'on essaie de réagir en prenant la revue du Mauss et en essayant d'opposer à ce modèle économique généralisé, généralisé à toutes les sciences sociales et à la philosophie politique, une autre conception du sujet humain, une autre anthropologie normative qu'on tire pour faire vite de laisser sur le don de Marcel Mauss principalement, 1925, d'où la double signification du nom Mauss. Revue du Mauss, ça veut dire mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, et c'est également un hommage à Marcel Mauss à laisser sur le don. Bon, je ne présente pas ici ce qu'on appelle le paradigme du don, autrement dit, la sociologie générale, qu'à mon avis on peut dériver de laisser sur le don, quelques mots quand même, pour bien comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Situation très paradoxale dans le champ des sciences sociales, c'est qu'il existe une science sociale générale, mais ce n'est pas la sociologie, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. La sociologie classique se voulait la science sociale générale, que ce soit chez Durkheim, que ce soit chez Weber, etc. Ou chez Bourdieu, de toute façon. Non, la science sociale générale, c'est celle des économistes. C'est le modèle économique généralisé. Et face à cela, la sociologie a échoué à jeter les fondements d'une science sociale générale, alors que c'était son objectif premier. Et du coup, elle laisse le champ libre, très massivement, à la pensée des économistes, et donc à l'économisme, et donc au néolibéralisme. Et là, je vais changer un petit peu de registre. Ce que nous avons constaté petit à petit, seulement, en une dizaine d'années, c'est que cette mutation du champ idéologique, du champ des sciences sociales, mais de la philosophie politique, cette généralisation du modèle économique aura précédé d'une bonne dizaine d'années l'apparition, ce qu'on appelle la globalisation économique, par quoi il faut entendre pas tellement l'internationalisation, mais plus fondamentalement la généralisation du marché à toutes les sphères de la pratique sociale. Parce que, en effet, pour considérer que le marché est le seul mode de coordination légitime et efficace, légitime parce qu'efficace entre les sujets humains, il faut considérer que les sujets humains ne sont que des homo economicus. Il y a une conséquence logique. S'ils étaient autre chose, on pourrait envisager d'autres modes de coordination. Non, la conviction qui se répand à partir des années 1980, c'est qu'effectivement, les êtres humains ne sont que des homo economicus et que par conséquent, le marché est la seule forme de coordination efficace et légitime. Puis une fois qu'on a dit ça, on ira plus loin. Ce n'est pas seulement le marché qui va devenir. C'est bien sûr le marché financier. Et puis à terme, ça sera le marché spéculatif, puisque si nous sommes tous des homo economicus, si notre seul objectif est fondamentalement notre intérêt personnel, bah, tant qu'à faire, autant le satisfaire le plus vite possible, et tant qu'à faire par la spéculation. Si ça marche, si on peut gagner du 30% par an, du 100% par an, du 200% par an, au lieu du 1,5% de la caisse d'épargne, bah, tant qu'à faire, autant y aller. Pourquoi ne pas faire ça ? Voilà. Donc vous voyez bien ce rapport de légitimation a priori du monde marchand généralisé, du monde financier généralisé, par cette mutation intellectuelle, scientifique et idéologique. Voilà très brièvement résumé le travail du Mauss, le point de départ. Ce point de départ, donc, au départ qui est principalement critique, on essaie de montrer ce qui se passe dans ce champ des sciences sociales, pourquoi ça pose problème. Et puis après, on essaie de voir si on peut penser la science sociale différemment et la faire reposer sur la base de ce que j'appelle le paradigme du don, que j'appelle aussi le paradigme du politique. C'est un autre sujet. Bien, premier constat. Est-ce qu'on peut en rester là ? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus profondément encore dans la recherche des raisons de cette mutation ? Pourquoi cette mutation intellectuelle dans les années 70 ? Pourquoi cette mutation, ce triomphe du néolibéralisme ? Bien sûr, il y a des raisons matérielles, objectives. Il y a un essoufflement du modèle social-démocrate. Il y a la crise du pétrole, fondamentalement, qui change énormément de choses. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond. Alors, je vais vous livrer mon hypothèse. c'est une hypothèse que je me suis formé il y a déjà 7-8 ans, sur laquelle je voudrais bien travailler. Ça fait 3-4 ans que j'envisage d'écrire un livre pour essayer de l'étayer un petit peu, puis je ne trouve jamais le temps. Donc je vous livre l'hypothèse telle qu'elle est. Pour le dire très, très rapidement, c'est la suivante. Il me semble que le néolibéralisme et la globalisation marchande et financière représentent la face visible, manifeste, de quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus profond concernera bien en disant la chose suivante, en disant que nos sociétés, de plus en plus d'auteurs depuis très peu de temps, commencent à parler de sociétés post-démocratiques. Voilà la question de débat. Est-ce qu'on est toujours en démocratie ou pas ? Alors, certains diraient on ne l'a jamais été, mais c'est un autre débat. Bon. Est-ce qu'on est toujours en démocratie ou pas ? De plus en plus d'auteurs commencent à dire non. On a basculé dans les sociétés post-démocratiques. Je partage largement ce constat, mais il me paraît encore insuffisant. Je pense plus précisément que nos sociétés ont basculé à partir des années 80-90 dans une forme de ce qu'on peut appeler une forme de totalitarisme à l'envers. Une forme de totalitarisme à l'envers. Bon. Quelques mots pour présenter le statut de cette hypothèse. Première considération, au fond, nous n'avons toujours pas vraiment compris ce qui s'est passé au XXe siècle avec les expériences totalitaires. Il y a des tas d'écrits dessus, il y a plein d'hypothèses, mais est-ce que nous avons vraiment tiré les leçons des expériences totalitaires du XXe siècle? Je n'en suis pas sûr. D'ailleurs, vous voyez, les grands textes des 15 dernières années, ici, François Furet, le passé d'une illusion. Le totalitarisme, c'était une illusion, mais c'est passé. L'histoire va retrouver son cours normal et naturel. Jean Béchelet, la même chose, la grande parenthèse. L'histoire a dérapé en 14-18. Tout ça qu'on dit. C'est un accident, ça n'aurait pas dû se produire. L'accident est terminé. L'histoire va retrouver son cours normal, rationnel, vers la société harmonieuse, finale, rationnelle, etc. Je ne crois pas. Je ne crois pas à cette version-là. Je pense qu'il s'est passé des choses extraordinairement profondes, compliquées au XXe siècle, qui sont traduites par le totalitarisme, et que aussi longtemps que nous n'aurons pas compris ce qui s'est vraiment passé, nous aurons beaucoup de mal à avancer pour rebasculer dans un horizon réellement démocratique. Alors, disons les choses maintenant de façon un petit peu plus précise. Pourquoi parler de totalitarisme à l'envers ? Parce que, il me semble, et là ça devient un petit peu compliqué à expliquer, il me semble que nos sociétés sont évidemment à l'exact opposé des sociétés totalitaires d'hier, à l'exact opposé du communisme, du nazisme, du fascisme, version plus soft du totalitarisme, mais elles sont tellement à l'opposé qu'elles en partagent énormément de traits communs. Voilà. Comme si on était passé d'un extrême à l'autre, dans cette espèce de mouvement de balancier autour de la démocratie. C'est-à-dire qu'au milieu de la démocratie, une démocratie plus ou moins réussie, et puis un premier mouvement de balancier, les totalitarismes du XXe siècle, un deuxième mouvement de balancier, ce que j'appelle le totalitarisme à l'envers, alias le parcellitarisme. Alors, pourquoi ce mot de parcellitarisme ? Pour expliquer tout simplement l'idée suivante, c'est que la grande caractéristique des totalitarismes du XXe siècle, ça a été le désir de fabriquer des totalités, comme le nom l'indique, des totalités imaginaires, fantasmatiques, de retrouver des totalités supposées perdues, de retrouver la totalité de la race, dans le cas du nazisme, de retrouver la totalité du prolétariat, dans le cas communiste, de retrouver la totalité de l'État, dans le cas fasciste, l'État total. Et face à ce désir, ce fantasme de la totalité, tout ce qui était de l'ordre individuel ou particulier devait être sacrifié. Tous les massacres, bien sûr, totalitaires s'expliquent par ce sacrifice de l'individu, des individus, au nom de la totalité fantasmatique à réaliser. Eh bien, je crois que nous avons basculé dans le registre inverse. C'est désormais tout ce qui est de l'ordre du commun qui paraît illégitime, obscène, à démanteler, et c'est au contraire tout ce qui est de l'ordre de l'individuel ou du parcellaire qui doit être valorisé. Seuls existent des parcelles. Des parcelles de collectifs, des parcelles d'entreprises, des parcelles d'institutions, des parcelles d'individus, avec plusieurs individus possibles, sur plusieurs avatars sur Internet, etc., et des parcelles de savoir, pour en revenir à ce qui nous concerne le plus directement. Donc un savoir réduit, lui aussi, en parcelles. Donc, posons cette équation, ce que j'appelle totalitarisme à l'envers égale parcellitarisme, qu'on pourrait aussi appeler un globalitarisme, un parcellitarisme globalitaire, puisqu'il s'agit de décomposer tous les collectifs existants, entreprises, institutions, organisations, syndicats, etc., en parcelles indéfiniment recomposables, à volonté, en fonction des besoins du moment ou des besoins du marché, en l'occurrence. Voilà. Donc un parcellitarisme globalitaire. Essayons de développer un petit peu cette hypothèse qui peut paraître bizarre, mais à laquelle je crois assez profondément, pour préciser ce rapport étrange de dissemblance absolue avec les totalitarismes du XXe siècle et de ressemblance absolue avec les totalitarismes passés. Je repère pour ma part trois oppositions complètes entre les totalitarismes et le parcellitarisme et six proximités, six similitudes. Trois oppositions absolues. Commençons par la première qui nous concerne le plus directement ici. Je reprends des caractérisations de Hannah Arendt très largement sur les totalitarismes du XXe siècle. Ces régimes totalitaires étaient subordonnés à un grand savoir, ou un grand récit, dirait Lyotard. Un grand savoir. Au sommet, il y avait le savoir, et le sujet supposé tout savoir. Génial, le sujet supposé tout savoir. Staline, Hitler, Mao Zedong, etc. Le savoir absolu, incarné dans une personne particulière. L'ensemble des actes devait faire sens en étant replacé dans le cadre de ce grand savoir. Il me semble que nous sommes exactement dans le régime inverse, dans le refus absolu de tout savoir synthétique, pas seulement d'un grand savoir, c'est pas seulement le refus absolu de tous les grands récits, c'est le refus absolu de tout savoir synthétique au profit des savoirs spécialisés, des supposés savoirs spécialisés, des savoirs d'experts. Il n'y a plus que des savoirs d'experts, de champs particuliers. Il n'y a plus de savoir transversal, savoir transversaux, permettant de relier ces différents champs de savoir. Et tout ce qui se présente, et on voit bien à l'université, tout ce qui se présente comme un désir de rassembler des morceaux de savoir appartenant à des champs différents, tout ce qui se présente sous la forme de l'interdisciplinaire, est immédiatement répudié. C'est plus compliqué que ça. Je vois Topalov qui rechigne à ce que je dis. Il a raison, puisque, alors on va préciser un petit peu, tout le monde encense le savoir interdisciplinaire. Tout le monde ne parle, il n'y a que de la rhétorique d'interdisciplinarité, que ce soit au CNRS, que ce soit à l'université. Mais la pratique, ça je pourrais citer des dizaines d'exemples, c'est que dès qu'il y a un début d'interdisciplinarité pratique, alors c'est immédiatement sanctionné. Essayez de vous faire nommer où que ce soit à l'université ou au CNRS en vous présentant comme interdisciplinaire, je vous souhaite bien du plaisir. Voilà. Donc, je maintiens mon point de vue. On discutera tout à l'heure. Règne la norme du savoir parcellaire supposé expert. Et donc, la décomposition de tous les savoirs en sous-disciplines et sous-sous-disciplines et sous-sous-sous-disciplines qui sont à elles-mêmes leurs propres normes de validation et qui valent parce qu'elles sont justement parcellaires, d'un point de vue de la légitimation. Deuxième changement radical par rapport au totalitarisme du XXe siècle, le changement complet des normes de la représentation du temps et de l'espace. Le temps totalitaire était s'organiser selon la flèche du temps. On devait passer d'un passé catastrophique, cataclysme, apocalyptique, à un avenir radieux. Et dans cette flèche du temps, l'instant présent n'était rien. Tout acte présent devait être subordonné à l'accomplissement de l'avenir à construire. On est complètement à l'envers de cette position-là. Désormais, dans la représentation dominante, il n'y a plus vraiment de passé, il n'y a plus vraiment d'avenir. Seul règne le moment présent, et ce n'est plus seulement le moment présent, c'est l'instant, la parcelle d'instant présent. Dans le champ financier, c'est bien sûr la nanoseconde. Nanoseconde qui fait des différences de profit vertigineuses, mais à un rythme moins accéléré, vous voyez bien, à l'université, au CNRS, les réformes doivent se faire en permanence, je vais y revenir, mais dans les 24 heures, D'ailleurs, il faudrait les avoir faites avant qu'on vous ait demandé de les faire. Donc, une espèce de... tout doit être fait dans... à l'instant même. Voilà. C'est la norme de l'instant. L'espace également a totalement changé, puisqu'on avait des espaces complètement polarisés entre un espace intérieur à préserver dans sa pureté, la pureté prolétarienne, ou la pureté arienne, contre un extérieur pourri, etc. Désormais, ce qui règne, c'est une norme d'indifférenciation généralisée à l'échelle mondiale. Tous les espaces deviennent des non-lieux, pour parler comme Marc Auger, très fondamentalement. Non-lieux interchangeables. Et puis, troisième grande différence, qui est la plus générale d'une certaine façon, et là je reprendrai les caractérisations du totalitarisme par Claude Lefort. Claude Lefort caractérisait le totalitarisme par la dénégation, le déni de la division sociale, du fait que les sociétés sont toujours divisées au profit, au profit du fantasme de la communauté. On a actuellement le contraire, puisque c'est la communauté, c'est toute idée de communauté qui est diabolisée, bon, c'est la dénégation de la communauté, avec une hypervalorisation de la division. Caricature, c'est pas seulement prolétaire de tous les pays, unissez-vous, c'est prolétaire de tous les pays, dispersez-vous en parcelles. La norme est la division. Et le triomphe de l'individualisme contemporain est évidemment très ambigu, puisque c'est à la fois un triomphe de libération à des tas d'égards, mais c'est aussi le triomphe de l'individu parcellitaire, l'individu parcellarisé, qui est parfaitement adéquat à cette norme néolibérale parcellitaire, qui est la norme dominante. D'autant plus problématique, elle est très largement invisible. Très largement invisible, puisqu'elle se présente sous les dehors de la réalisation de l'idéal démocratique. Mais à certains égards, comme les totalitarismes, en tout cas comme le communisme, qui se présentait comme la réalisation de la vraie démocratie, enfin trouvée, enfin réalisée. Donc, trois grandes différences. Des savoirs parcellitaires au lieu d'un grand savoir, mutation des rapports au temps à l'espace, et puis des négations non plus de la division sociale, mais de ce qui fait le social même, à savoir la dimension de communauté au sein de la société. Par ailleurs, on peut trouver six ressemblances assez frappantes, je trouve, entre les totalitarismes d'hier et le parcellitarisme contemporain. Première ressemblance, et là encore je renvoie à des caractéristiques du totalitarisme selon Arendt, première ressemblance, c'est la loi du mouvement permanent, ou de la révolution permanente. Le propre des totalitarismes, c'est d'être des dynamiques qui font qu'aucune institution ne peut rester en place, tout doit être changé en permanence. C'est bien sûr la norme du capitalisme contemporain. Tout ce qui est encore un petit peu ancien est réputé, du fait que c'est ancien, que ça existe, à déconstruire, à délégitimer. Et au contraire, tout ce qui se présente comme nouveau, n'importe quelle réforme, pour rester dans l'autre champ, est nécessairement meilleur que ce qui existe. Première norme, la norme de la révolution permanente, en quelque sorte du changement permanent, à partir de laquelle quelqu'un comme Jean-Claude Michéa, déduit assez logiquement ce qu'il appelle l'impossibilité de dépasser le capitalisme par sa gauche. L'impossibilité de dépasser le capitalisme par sa gauche, puisque ce capitalisme va toujours plus vite dans la réforme permanente, dans la révolution permanente, que tous les projets révolutionnaires disponibles. Deuxième grande caractéristique, commune, avec bien sûr des modes de réalisation très différents, au totalitarisme d'hier et aux formes parcellitaires d'aujourd'hui, la dénégation du pouvoir. Dénégation du pouvoir. Le chef totalitaire, c'est très clair dans les discours de Hitler, et ne se présente pas comme un dictateur. Et d'ailleurs, selon Arendt, ce n'est pas du tout des dictateurs. Un dictateur, comment dire, lutte contre ses ennemis concrets. Il emprisonne, torture, assassine ses ennemis concrets. Ce n'est pas ce que fait un chef totalitaire. Il assassine des gens qui ne sont pas des opposants directs, mais il le fait au nom de son indifférenciation avec le peuple, au nom de l'idée qu'il n'y a pas de différence entre le leader, le chef totalitaire, et le peuple qui le suit, à la différence d'un dictateur. Donc dénégation du pouvoir, dénégation de la relation de pouvoir, ben, je trouve que c'est sous une forme totalement différente, exactement ce qu'on a dans les formes de néo-management actuel, où on ne sait jamais qui prend aucune décision. Il arrive aussi qu'on ne prenne aucune décision, d'ailleurs c'est le cas de Hollande par exemple, mais on ne sait jamais qui prend une décision. Tout est présenté, vous voyez bien les processus de réforme de l'université, comme émanant de la base. On consulte, voilà, on va consulter, ça remonte de la base. On ne sait pas qui est au sommet, on ne sait pas qui dit ce qui remonte de la base, qui en décide. Et toutes ces décisions se présentent au nom de la gouvernance. Une gouvernance sans pouvoir, sans chef, sans rien, sans contestation, sans débat, comme l'expression de la nature des choses. Ça découle naturellement de la nature des choses. Ça, c'est la deuxième, si je ne me trompe pas dans ma liste, caractéristique. Deuxième caractéristique, le déni du pouvoir. Le pouvoir, et donc le déni du politique également, bien sûr. Ce déni du pouvoir s'accompagne d'une troisième caractéristique dont la proximité est de plus en plus frappante avec les normes totalitaires d'hier, c'est la quantophrénie. La quantophrénie, autrement dit, la folie du chiffre, la folie des quantités. Vous vous rappelez ce qu'était la planification soviétique? Chaque année, il fallait faire 5%, 10% en plus, 4% en plus, 30% en plus. Il fallait produire le plus possible. On arrivait évidemment à des résultats totalement délirants, puisque pour satisfaire les objectifs du plan, il fallait tromper, mentir en permanence, pour être bien vu. Alors, par exemple, exemple classique, par exemple, il fallait, une entreprise de chaussures devait produire la plus grande quantité de chaussures possible, le plus grand poids de chaussures possible. Donc, il pouvait y avoir des chaussures énormes que personne ne pouvait porter, mais simplement, l'objectif du plan était atteint parce qu'on avait le maximum de poids de chaussures produites. Ben, vous voyez bien comment fonctionnent maintenant les entreprises, bien sûr, avec ces normes de reporting généralisées, et maintenant les universités, le CNRS, avec cette norme, là aussi, ben, ce n'est pas la quantité de chaussures, c'est la quantité d'articles, évaluée par des... évalué en fonction de la gradation des revues qui les publient, qui elles-mêmes sont évaluées, etc., etc., etc. Et donc vous avez les mêmes effets pervers, quantophréniques, cette obligation de faire du chiffre qui s'impose absolument à tout le monde, du matin matin jusqu'au soir dans les laboratoires de publication. Alors je connais aussi des normes dans des universités fantastiques où la moindre parcelle de votre temps est quantifiée. C'est-à-dire, si vous téléphonez à... Est-ce que je cite cette université? Peut-être pas. Bon. Si vous participez à une réunion de département, vous avez tant de points. Si vous téléphonez à un entrepreneur du 9-2, vous avez tant de points. Si vous téléphonez à un entrepreneur du 9-3, vous avez la moitié de points, parce que quand même, c'est moins rentable que dans le 9-2, etc., etc. Donc, tout ce que vous faites du matin jusqu'au soir doit être noté. Et ça servira, évidemment, pour l'évaluation de votre carrière, votre rémunération, etc., etc. Donc, norme quantophrénique généralisée, qui conduit à la production d'un savoir imaginaire, à l'opposé d'un vrai savoir, savoir imaginaire, puisqu'il est produit uniquement pour satisfaire à cette norme quantitative. Donc, troisième proximité avec les totalitarismes d'hier, cette dimension quantophrénique. Quatrième continuation, quatrième prolongement des fantasmes totalitaires d'hier, le prométhéisme. Le désir de créer un homme nouveau. Alors, ça ne se présente pas exactement de la même manière, puisqu'on n'a pas la même flèche du temps, on l'a dit tout à l'heure, mais malgré tout, qu'est-ce que l'on voit? Ben, on voit, bien sûr, tous les projets post-humanistes, ce désir de créer un homme parfait, qui sera de plus en plus remodelable, avec, bien sûr, biologiquement, chimiquement, et grâce, avec la greffe, sur des cerveaux, des nanoparticules ou des cerveaux électroniques, etc. Autrement dit, ce que les totalitarismes d'hier se proposaient de réaliser par la réforme idéologique, la société contemporaine se propose de le réaliser pour de bon, grâce aux technosciences. Mais on a toujours la même idée d'un homme nouveau, d'un surhomme à produire. Cinquième caractéristique des totalitarismes d'hier, selon Arendt, que dont je suis à peu près l'analyse, ces sociétés se caractérisées par la création d'un monde fictif, un monde de fiction, bien sûr, alimenté par la propagande. Alors là, c'est assez compliqué, parce qu'on pourrait dire que notre monde est devenu, avec Internet, avec les médias, de plus en plus fictif. Mais en même temps, c'est notre réalité. Donc cette fiction est devenue réalité, si bien qu'il est très difficile de dire que c'est un monde fictif, puisqu'il est réalisé. Ce monde fictif est réalisé, donc il devient réel, et donc il n'est plus fictif. Il y a la matière à réflexion assez compliquée. Et puis, dernier point, dernière caractéristique commune, ces régimes totalitaires, j'aurais même pu commencer par ça, c'est le caractère le plus frappant, fonctionnaient à la fabrication permanente d'ennemis imaginaires, la mise en scène de périls, il fallait mettre la mise en scène permanente de dangers à conjurer, et de dangers alimentés par des ennemis imaginaires, boucs émissaires, les juifs, les koulaks, etc. Ben, nous avons très largement la même chose aujourd'hui avec une sorte de gouvernement par la peur, par la peur des islamistes, par la peur de la délinquance, mais là aussi c'est assez compliqué, puisque cette peur crée des vrais ennemis et se réalise. Après tout, les paranoïaques finissent toujours par avoir raison, finissent toujours par se créer des vrais ennemis, finissent toujours par les trouver. Ben, c'est vrai que si vous multipliez les Guantanamo, il y a des chances que vous réussissiez à multiplier les ennemis islamistes, et donc ça se réalise, mais on a cette même logique pardon, et qui fonctionne. Bien, voilà le cadre, à mon avis, général, dans le cadre duquel, le panorama dans lequel il faut penser, je crois, les raisons du succès des néolibéralismes, du capitalisme financier, etc. Et c'est un cadre très difficile, puisque il n'est pas visible, je le répète, il se présente sous les formes, sous les traits de la réalisation des idéaux démocratiques, notamment à travers les idéaux individualistes. Et par ailleurs, comme il est très efficace, eh bien, il décompose effectivement tous les collectifs. Et décomposant tous les collectifs, qu'il s'agisse des universités, qu'il s'agisse des syndicats, des collectifs, des associations, eh bien, il nous rend extraordinairement impuissants. Puisque l'idée même qu'on puisse agir ensemble est devenue fondamentalement illégitime ou obscène. On peut le faire à la limite pour des tâches parcellaires. On voit bien les jeunes s'investissent dans des associations à des buts immédiats. Si c'est un objectif parcellisé, ça va, mais au-delà, ça n'est plus possible. Voilà. Tout collectif doit être dissous. Alors, je ne fais pas de mise en rapport directe, immédiate avec l'université, vous l'avez fait en partie tout à l'heure, puis on pourra y revenir dans la discussion, mais on voit bien comment ça fonctionne de proche en proche. Mais je voudrais maintenant en venir à ce que j'appelais ma considération intermédiaire. Je peux regarder ma voisine qui regarde son iPhone dans un régime parcellitaire, évidemment. Pourquoi est-ce que la société, l'université française va plus mal que d'autres universités? Pardon? Je répondais parce qu'il y a eu la commune. Parce qu'il y a eu la commune? Non, je ne pense pas. Je ne crois pas. Donc, je pense que ça tient à cette structuration très, très spécifique à la France de l'enseignement supérieur et à la tripartition qu'on ne trouve qu'en France, entre les universités d'un côté, le CNRS de l'autre, et tout le système des grandes écoles. Mais ce n'est pas les grandes écoles, parce que les grandes écoles, c'est la partie émergée de l'iceberg, la partie visible. Mais c'est l'ensemble du système des grandes, petites, moyennes, très petites écoles. Et alors que partout ailleurs, les universités cumulent les trois fonctions. Les trois fonctions d'enseignement, de recherche et de préparation professionnelle. Là, vous avez en France cette segmentation. Et dans cette segmentation, l'université, pour différentes raisons, est devenue la partie sacrifiée. La partie sacrifiée, pas spécialement au profit du CNRS, mais au profit principalement des... Non seulement les grandes écoles, parce que les grandes écoles, elles recrutent quasiment pas plus de gens qu'il y a 30 ou 40 ans, mais au profit de tout ce qu'il y a en dessous, les moyennes, petites écoles, et qui sont de plus en plus des écoles payantes, des écoles du secteur privé. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer ce que je dis là, donc on voit un peu de quoi on parle. Pardon, je prends d'autres lunettes. En 1970, ces universités recrutaient 75% des bacheliers. Elle n'en rassemble plus désormais que 54%. Donc l'université a perdu 20% des bacheliers qui passent bien sûr dans le système des écoles. Donc on a une fuite généralisée des cursus universitaires à l'exception de la première année de médecine, qui fonctionne comme une classe préparatoire fondamentalement, et d'ailleurs une classe préparatoire toujours suppléée par les formations du privé. très cher, parce qu'il est presque impossible de passer en deuxième année, s'ensuivent des formations privées payantes au niveau de la médecine. Théoriquement, les meilleurs bacheliers français, les bacheliers scientifiques, 11% seulement d'entre eux s'inscrivent dans les filières scientifiques à l'université. 11% seulement des bacheliers scientifiques. Et si on détaille, c'est uniquement les bacheliers qui n'ont eu que mention passable. S'ils ont eu mention bien ou très bien, ils vont nécessairement dans des classes préparatoires. Nos collègues de l'enseignement supérieur scientifique, très sincèrement, ne savent pas très bien à qui enseigner et généralement sont en sous-service, faute d'étudiants. Voilà, les deux tiers des bacheliers scientifiques optent pour une formation non universitaire, même les 4/5. Alors, venons-en du coup. Alors, il faut ajouter que cette perte des bacheliers par l'université est encore très très accentuée si on prend en compte les mentions. Nous ne devons plus à l'université, fondamentalement, je viens de le dire à l'instant, que les bacheliers de mentions passables. Plus vous avez des mentions assez bien, bien très bien, plus la probabilité que les étudiants, les bacheliers aillent à l'université est faible. Après, question de la réussite, la fameuse question de l'échec scolaire. Vous savez que tous les gouvernements depuis 20 ans veulent remédier à l'échec scolaire, à l'échec à l'université, par des formations spécifiques qui ne marchent jamais. Qui ne marchent jamais parce que les raisons sont bien plus profondes qu'un manque de pédagogie en première année de l'université. Les raisons tiennent au fait que l'université de plus en plus reçoit les bacheliers qui n'étaient pas destinés à aller à l'université, à savoir les bacheliers techniques, professionnels, les STS, et ne reçoit plus, ou de moins en moins, les bacheliers généraux. Donc tout le système marche sur la tête. Le système marche sur la tête puisque les IUT ou les STS, les instituts universitaires de technologie qui avaient été créés pour recevoir les bacheliers techniques et professionnels, ne les prennent que s'ils ont mention bien ou très bien. Voilà. Ne les prend pas sinon que mention passable. Sinon, s'ils ont mention passable, ils vont à l'université. Donc, là, les IUT forment des étudiants qui ne leur étaient pas destinés et l'université reçoit des étudiants qui ne leur étaient pas destinés. Et qui... Personne ne pensait, il y a 30 ans, que des bacheliers professionnels iraient à l'université. C'était absolument inconcevable. Et il est absolument impossible de faire un enseignement universitaire de première année à des bacheliers professionnels, mention passable. Voilà. Alors, prenons quelques chiffres sur la réussite. 48% des titulaires d'un bac scientifique ou de sciences économiques et sociales réussissent en licence en 3 ou 4 ans, la moitié. Un petit peu moins pour les bacheliers littéraires, mais seuls, prenez bien les chiffres, seuls 4,5% des bacheliers professionnels, techniques professionnels, réussissent leur licence. Seuls 4,5%. Et seuls 12,5% des bacs sciences et techniques. Et 16% des autres bacheliers techniques. Bien. Donc voilà un système qui recrute à l'université de plus en plus massivement des bacheliers professionnels, techniques, des bacheliers professionnels, dont 95% échoueront. Vous avez un système qui marche totalement sur la tête. Pourquoi ça marche comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? À mon avis, à peu près rien. J'ai essayé pour ma part, il y a 4 ans, avec tout un ensemble de collègues, de bords idéologiques très variés, de lancer un mouvement qu'on appelait le mouvement des refondateurs de l'université. On a publié un livre co-signé par 5 personnes. Il y avait Olivier Beau, un juriste, Marcel, moi-même, Marcel Gaucher, je prends dans l'ordre alphabétique, Pierre Encrenaz, académicien des sciences, et François Vatin, mon collègue de Nanterre. On a eu, il y avait quoi, à peu près 50 personnes extrêmement connues dans leur discipline, allant du centre-gauche ou du centre-droit, je ne sais pas très bien, on peut situer gaucher, pour le dire à côté, à l'extrême-gauche, avec pas mal de gens d'attaque. Tous convaincus du constat que je viens de vous faire, qui est un constat d'une évidence aveuglante. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. On ne peut pas laisser filer presque tous les bacheliers de bon niveau dans les formations privées. C'est ce qui se passe depuis 10 ou 15 ans. Voilà. Donc l'université se vide de l'intérieur parce qu'elle ne peut plus concurrencer le système des écoles, le système sélectif des écoles. Donc vous avez un système de vases communicants très simple. Il y a un système supposé sélectif, parce que souvent il n'est pas du tout, d'ailleurs dans les écoles, les payants, qui, parce qu'il est sélectif et avec des moyens financiers, apparaît comme un gage de qualification professionnelle et d'emploi possible, et un système universitaire qui est totalement discrédité, délégitimé, puisque tout bachelier peut aller à l'université. Comme tout bachelier peut aller à l'université, tout bachelier de bon niveau fuit l'université, et on est là dans un cercle vicieux qui ne fait que s'aggraver d'année en année. Constat évident, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pourquoi est-ce que personne ne veut toucher à ce système? Personne ne veut y toucher parce que le gouvernement, généralement, est peuplé d'énarques, de gens qui ne sont pas passés par l'université, qui ignorent totalement ce que c'est et qui s'en foutent comme de l'an 40, puisque eux prétendent à une expertise technique. Disons les choses différemment, toutes les élites gouvernementales françaises, désormais, sont formées en dehors de l'université, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, en Italie, en Allemagne, etc. Voilà. Donc, elles ne connaissent pas l'université, elles ne les aiment pas, elles n'aiment pas l'université, ce lieu de savoir où on cause, on ne sait pas très bien quoi. Et par ailleurs, on sait que le sujet est explosif politiquement, pas toucher à l'université, on peut toucher ni au droit, ni à la sélection, entre guillemets, je vais revenir sur le mot sélection, ni à la sélection. C'est un tabou absolu, puisque l'université en France sert de symbole de démocratie imaginaire, de fantasmatique. Donc, l'université, c'est quoi pour les gouvernements? C'est un parc à chômeurs qui ne coûte pas cher. C'est très simple. Parc à chômeurs qui ne coûte pas cher. Du côté des syndicats, les syndicats étudiants, vous savez bien comment ça marche. Il faudrait que le diplôme soit donné à tout le monde, fondamentalement. Surtout pas de sélection, le diplôme donné à tout le monde. Et les syndicats enseignants. Le syndicat enseignant, c'est la dénégation générale. Dénégation générale. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Les étudiants s'en vont. On l'a bien vu, 20% de bacheliers en moins depuis 30 ans. Les étudiants s'en vont. Il faut sauver les filières. Il faut sauver les filières. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver les filières? On accepte de plus en plus d'étudiants dont on sait très bien qu'ils n'ont pas le niveau. Alors, je peux vous dire comment ça se passe à Nanterre. Sociologie, première année. Qu'est-ce qu'on fait pour masquer la fuite? Qu'est-ce qu'on faisait? Moi, j'ai quitté il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'on faisait pour masquer la fuite des effectifs? Eh bien, on accepte en première année les étudiants dont aucune autre filière ne veut. Évidemment, au bout de 6 mois, la moitié a disparu. Ils ont réussi à casser toute la filière d'enseignement. Je vois très bien mes doctorants qui font les études de première année. On est dans un état où ces étudiants ne sont pas seulement des étudiants qui ne sont pas intéressés par l'université, qui viennent uniquement pour avoir la carte de sécurité sociale. C'est pas seulement qu'ils ne sont pas intéressés par l'université, ça, à la limite, ça ne serait pas trop grave. C'est qu'ils sont d'une hostilité fondamentale vis-à-vis de l'université, vis-à-vis de ceux qu'ils ont sous la main, qui représentent ce système social général qu'ils trouvent absolument insupportable. Et donc, l'enseignement en première année devient rigoureusement impossible. Certains d'entre vous ont peut-être suivi ce qui s'est passé, les examens de sociologie à Perpignan, même schéma, même tableau. Voilà. Donc, les enseignants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont spécialisés à l'université. Chacun a sa discipline, sa sous-sous-sous-discipline, et ne se soucie que de se reproduire, pour prendre le mot fameux de Bourdieu, façon reproduire ce qu'ils ont été. Voilà. Reproduire quoi? 1 sur 1000 des étudiants qui deviendront professeurs de l'enseignement supérieur dans leur spécialité. Et donc, le système commode, c'est de dire, tout ça, c'est une question de moyens. Si simplement il y avait plus de moyens à l'université, tout irait bien. C'est faux. C'est faux pour les raisons que je viens de dire. Un mot sur ce qui bloque. Le mot tabou. Sélection. Eh bien, ce qui se passe, toutes les autres filières sélectionnent, l'université ne sélectionne pas. Donc, l'université est totalement discréditée. Est-ce qu'il faut se battre pour créer de la sélection? Personnellement, avec mes petits camarades refondateurs, j'ai fait tout mon possible pour les empêcher d'employer ce mot maudit de sélection. C'est pas la peine de déclencher des réflexes conditionnés immédiats, d'énormes grèves, que tout le monde se drape derrière ces bannières. Non, le problème n'est pas la sélection, de toute façon. Le problème, c'est l'orientation des étudiants. C'est l'orientation des étudiants. Alors, venons-en à quelques remèdes possibles. J'aborde ma troisième partie et j'accélère parce que ça passe. quels sont les remèdes possibles à ce système social général et à la crise de l'université en particulier française. Crise de l'université française, le mot sélection est un mot écran, on ne peut pas se battre là-dessus. En revanche, il faut mettre en place des systèmes d'orientation. D'orientation et vers quoi ? Là, on va revenir à ce que je disais au début. Et on va, la seule chose que l'université puisse offrir, qui soit attractive, parce que le problème de l'université, c'est de retrouver son attractivité qu'elle a totalement perdue. La seule chose qui puisse attirer, c'est ce qu'elle sait faire. C'est faire des enseignements de haut niveau, parce que, disons le problème différemment, vous avez à l'université les meilleurs étudiants et les meilleurs enseignants et les moins bons étudiants. Ça fait quand même un truc bizarre. Alors que réciproquement, dans les systèmes des grandes écoles, il y a très peu de recherche. Donc, tout ce système est complètement tordu. Comment est-ce qu'on peut essayer d'y remédier ? On peut y remédier en retrouvant une certaine idée de l'université. Enfin, l'université, c'est une certaine idée de l'universalité du savoir, de la généralité du savoir. Pour ma part, à Nanterre, avec des amis, j'avais créé il y a 15 ans ce qu'on avait appelé des diplômes d'humanité moderne, qui offraient des doubles licences sociologie-histoire ou sociologie-économie et des doubles maîtrises sociologie-histoire, sociologie-économie. Très attractif. Ça a très bien marché, mis à part le fait que tout le monde a essayé de le casser avec succès en disant à la fois l'administration de Nanterre et le ministère. Mais si vous regardez un peu ce qui se passe au niveau national, partout en France, les universités essayent de sauver ce qu'elles peuvent sauver en attirant des étudiants de bon niveau, en créant des doubles diplômes. Double diplôme. Il peut y avoir toutes les combinaisons possibles. Ça peut être philosophie, économie, philosophie, droit, etc. etc. Là, il n'y a que ça qui marche et qui attire des bons étudiants dans des filières attractives. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accueillir les bacheliers techniques professionnels. Ça veut dire qu'il faut leur aménager un cursus spécifique qui leur permette de retrouver des normes universitaires. Voilà une première idée. Aller vers davantage d'interdisciplinarité. Ce n'est pas de la transdisciplinarité, c'est de l'interdisciplinarité véritable. Ça marche. Ça marche et ça permet de commencer à recomposer ces savoirs parcellisés en sous-disciplines. Alors, et le cas plus général, puisque en amont de tout ça, j'essaie de dire, il y a bien sûr le néolibéralisme et puis il y a le parcellitarisme, etc. Ça, et à supposer même qu'on puisse faire des réformes en France de l'enseignement supérieur, ce dont je suis un peu, dont je doute de plus en plus, vu l'état du corps universitaire qui est incapable d'accéder à la réflexivité sur ce qu'il fait, fondamentalement, qu'est-ce qui peut se passer à l'échelle mondiale ? Je voudrais vous dire quelques mots en conclusion, je ne vais pas être long parce que le temps passe, d'une initiative que nous avons prise il y a avec 65 intellectuels connus et qui s'est traduite par la parution en juin dernier d'un petit livre intitulé « Manifeste convivialiste ». Manifeste convivialiste. Sous-titre « Déclaration d'interdépendance ». Le principal intérêt de ce texte, c'est qu'il existe. Qu'il existe et qu'il est co-signé par 65 personnes connues, je ne vais pas vous les dire toutes, mais je vais en dire quelques-unes, qui là encore appartiennent à des courants de pensée très variés. Courants de pensée très variés. Je vais donner quelques noms. Claude Alfandéry, c'est un peu en France le pape de l'économie sociale et solidaire, un vieux monsieur, l'équivalent d'Edgar Morin en quelque sorte. Edgar Morin qui est également signataire de ce texte. Geneviève Hazard, qui est une des principales participantes du groupe ATTAC. Et il y a aussi quelqu'un comme Gus Macia, qui est le fondateur des forums sociaux mondiaux. Thomas Coutreau, l'actuel coprésident d'ATTAC. Des philosophes, Barbara Cassin, Jean-Pierre Dupuis. Les représentants de Jean-Baptiste de Foucault, les animateurs de ce qu'on appelle le pacte civique, 130 associations en France, 130 associations civiques. Également Patrick Vivret, champion des indicateurs de richesse alternative, animateur du pacte civique. Et puis, il y a des journalistes, Jean-Claude Guibaud. Il y a les fondateurs de la revue Alternative économique, Denis Clerc, Philippe Frémaux. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup de gens. Et puis, des étrangers, italiens, espagnols, latino-américains, etc. Bien. Déjà, le seul fait qu'ils aient pu se mettre d'accord sur un texte, faire abstraction de leur ego qui n'est pas toujours mince, est déjà quelque chose de tout à fait appréciable. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont signé, pourquoi ce texte? Alors, quelques idées que je dis très brièvement. Première chose qui les a rassemblés dans un climat, je dirais, très amical en plus, réellement convivialiste, réellement convivial. Premier facteur, un sentiment d'urgence. Un sentiment d'urgence, un sentiment que nous sommes face à des crises extraordinairement graves devant nous, qui sont à la fois des crises économiques, bien sûr, des crises sociales, des crises écologiques, climatiques, j'ajouterais volontiers des crises morales, et qu'on n'a plus beaucoup de temps à perdre dans des querelles de chapelle. Première idée. Deuxième idée, une des grandes raisons de notre impuissance face au néolibéralisme, ou si vous préférez, face au capitalisme rentier et spéculatif, c'est bien sûr l'extraordinaire puissance de ce capitalisme vertigineux, comme vient de la gémie d'équivalent, mais c'est aussi l'extraordinaire dispersion de tout ce qui essaie de s'y opposer. Partout dans le monde, il s'invente des alternatives possibles à ce monde néolibéral, sous de multiples formes, sous de multiples noms. Il y a bien sûr toutes les révoltes que l'on connaît sur les différentes places, Tahrir, Maïdan, etc. Ce sont toujours des révoltes, c'est toujours pareil, toujours des révoltes contre la corruption, fondamentalement. Contre la corruption et contre la démesure des puissants. Mais tous ces courants, toutes ces révoltes, toutes ces initiatives qui se cherchent à travers l'économie sociale et solidaire, à travers les expériences de démocratie radicale, sont affaiblies parce qu'elles ne réussissent pas à dire ce qu'elles ont en commun. Voilà. Et le but du jeu, c'est d'essayer de proposer un nom commun, un drapeau commun. Ce que ça marchera, ce que ça ne marchera pas, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est la deuxième conviction. Troisième conviction, la plus forte, c'est que jusqu'à présent, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, le principal facteur d'adhésion à la démocratie, ce qui a permis de sortir des totalitarismes du XXe siècle, ça a été les très fortes croissances économiques que nous avons connues. Est-ce que les gens adhéraient à la démocratie ou à la croissance? Vaste sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne retrouverons pas les taux de croissance dans les pays riches. Nous ne retrouverons pas les taux de croissance que nous avons connus. Bah, vous connaissez l'histoire. 5% et plus dans les années 50, 4% dans les décennies d'après, 3% dans la décennie suivante, puis 2%, puis 1%, puis maintenant 0%. Tous les gouvernements essaient de se convaincre que c'est un mauvais moment à passer, qu'on va retrouver la croissance significative. La réponse est non, on ne la retrouvera pas. On pourra en discuter. Il y a des raisons très précises de savoir que nous ne la retrouverons pas. Premier constat. Puis deuxième constat, bien sûr, il y a des fortes croissances dans les pays dits émergents, dans les BRIC, mais ces fortes taux de croissance ne sont pas ni durables, ni généralisables pour des raisons écologiques. On commence déjà à ne plus respirer à Pékin, ou à Séoul, etc., à Paris aussi d'ailleurs. comme Mathieu l'indique. Donc ça ne durera pas très longtemps. Donc on est face à un problème extraordinairement simple. Il nous faut inventer des démocraties post-croissance, post-néolibérale et post-croissantisme. Il ne s'agit pas de savoir si la croissance est bien, si c'est pas bien. Mais il y a aussi parmi les signataires mon ami Serge Latouche, chef des décroissants, pape des décroissants. J'ai un peu de mal à le faire signer, mais c'est quand même signataire. La question n'est pas de savoir si la croissance est bien ou pas bien. Le problème, c'est qu'elle n'est pas là. Elle ne sera pas là et qu'on ne peut plus tabler sur elle pour fonder la démocratie. Il faut donc inventer autre chose. C'est un effort d'imagination politique considérable à effectuer. Quatrième idée, ce qui nous manque le plus aujourd'hui, ce n'est pas tellement des esquisses de solutions alternatives. De solutions économiques alternatives, de solutions techniques alternatives, de solutions écologiques alternatives. 36 000 propositions, après on peut en discuter. Non, c'est pas là où nous manquons d'imagination. Là où nous manquons d'imagination, c'est dans le domaine de la philosophie politique. Ce qui nous manque principalement à opposer au néolibéralisme, c'est une doctrine aussi universalisable que l'aura été ce néolibéralisme. Disons les choses différemment. Les idéologies les grandes idéologies de la modernité, dont nous sommes les héritiers, libéralisme, socialisme, communisme, anarchisme, ne nous permettent plus de penser la situation actuelle et d'imaginer l'avenir. Pour différentes raisons, je ne vous détaille pas. Il faut donc, il ne s'agit pas de les foutre à la poubelle, mais il faut donc aller au-delà. Et ce mot convivialisme, philosophie du vivre ensemble, est un nom. Est-ce que c'est le bon nom ou pas, on peut en discuter. Mais en tout cas, c'est le nom qui signifie cette nécessité absolue d'avoir un signifiant commun, fût-il vide, partageable par tous les mouvements alternatifs, et cette nécessité absolue d'inventer une autre idéologie politique qui nous permette de savoir à peu près où on en est. Je termine là-dessus avec un mot de conclusion pour revenir au fond du séminaire sur la question du savoir et de l'université. Il me semble que c'est dans ce cadre-là que l'on peut essayer de penser une réforme de l'université, une réforme du savoir. Si l'université doit délivrer un savoir qui vaut pour lui-même, il ne s'agit pas de dire qu'il doit servir à rien, il ne s'agit pas de dire qu'il ne doit pas servir à avoir un emploi ou un métier, mais il faut qu'il y ait une partie de ce savoir qui soit anti-utilitariste, qui vaille intrinsèquement, un savoir qui vaille pour lui-même, et qui soit un savoir général, un savoir généraliste partageable, au-delà donc du parcellitarisme. Sur quelle base reconstituer un savoir partageable? Quel peut être le discours transversal? On voit bien qu'au fond, il y a eu des discours transversaux qui étaient justement inspirés par les grandes idéologies politiques. Le marxisme, à une époque, a fait office de discours transversal permettant de faire parler ensemble des historiens, des philosophes, des économistes, etc. Le libéralisme aussi, à sa manière, etc. Bon, mais tout ça est en train de voler en éclats. Il me semble que c'est uniquement si nous réussissons à inventer en commun ce monde post-croissantiste sur la base d'une idéologie politique de la démocratie à renouveler, que nous pourrons recommencer à avoir une idée générale du savoir. Mais il faudra que ce soit un savoir définissable à l'échelle de l'humanité. À l'échelle de l'humanité, la question c'est qu'est-ce qui fait savoir commun pour l'ensemble de l'humanité. Après tout, le savoir général qu'on transmettait en France, rappelez-vous l'épisode de la princesse de Clèves, le fameux épisode, le combat contre Sarkozy. Est-ce qu'il faut enseigner la princesse de Clèves au postier, ou dans l'enseignement secondaire? Cette question va changer. Elle va devenir, qu'est-ce qu'il faut enseigner qui soit significatif, non pas seulement pour les Français, mais pour l'ensemble de l'humanité à l'échelle mondiale? Quel est le savoir partageable? Voilà la tâche de l'université à refonder. Merci.